Moi, mais on lui dit quoi? On lui dit, tu veux enlever le bébé? Alors. Non, mais là, elle va appeler la police direct, tu vois. Alors, laissez-moi vous expliquer. Non, on demande de garder les enfants, si elle peut nous garder. C'est une étudiante qui veut garder des enfants. Donc, soit on lui voit un pervers. Genre, je peux vous payer un naturel? Genre, t'arrives, tu fais. Salut, c'est Dominique. Venez garder mes enfants, j'ai pas. Non, mais là, elle va appeler la police. Oui. Et là, tu vas débarquer, tu vas dire, non, c'est une petite blague. C'est une blague, pourrite radio. Oh là là. Tu vas remonter, t'as vu? Comme tu fais? Oui. T'as vu? Oui. T'as vu comme tu fais? Oui, j'ai fait. Bah, c'est pas bien. Bon, d'accord. Bien la morale. Bon, allez. Bon, j'appelle ou j'appelle pas? Appelons. Appelons. Bonjour, jeune femme. Arthur, mais t'as pas déliré la dernière fois. ABS Media Demo. Vas-y. Mais je sais trop bien faire l'action africaine, là. Vas-y, chante. J'ai des Martiniquais dans mon équipe, ils m'ont appris. J'ai deux Congolais. Fais Michel Million Farmer. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise avec? Je. Tu connais Tina? Ah oui. ABS Media. Moi, Katia, je dis bien. Katia. Et après, le reste, c'est pas cher. Je suis libertine. Je suis un cater. Radio FM, vous êtes toujours avec nous. Radio autour du monde. Je suis un cater, quoi. AVS Media Demo. Cater n'est pas confondre avec coton. Pourquoi? Cater coton. Ah ouais. Cater coton cochon. Cochon. Allez, c'est parti. Il faut qu'on essaie de pas parler en même temps. Je parce prends, que sinon, je prends ma voix de. Complètement. Je prends ma voix. Ou je. AVS okay, Media je prends l'appel. Je prends l'appel. Attends, parce qu'il va faire. Ah ouais, il va faire l'ascenseur. Oh, bonjour, je ne suis pas disponible en ce moment. Oh, comment c'est une jeune étudiante c'est ta maman. Étudiante maniote sur la messagerie de AVS Media. Cette personne a un pénis, ce qui signifie qu'il peut s'intégrer chez moi. Moi, je connais un truc tarpin drôle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer une musique. Et je vais aller chercher mon truc tarpin drôle. Et ça va être tarpin drôle. Et on revient tout de suite après ce truc. Alors, la musique, c'est B.O.B. Never Let You Go. Ok, allez, vous allez kiffer. Vous gros bisous les amis, à tout de suite. Là, si vous n'avez pas une énorme boule dans le pantalon quand cette chanson est finie, je comprends pas comment vous fonctionnez. Ben quand tu es femme, tu peux pas. Ouais. Quoi, les femmes, elles peuvent pas avoir. Ben une énorme téton qui pointe. Bon, allez, radio PMA sexuelle. AVS Media Demo. Fame ain't worth a lot. Only thing I know is I'll never let you go. AVS Media Demo. By the look in her eyes, I can tell that she knows that she's holding the fate of my AVS world in her Media hands. Damn, for real, this was never the plan. It was never intended for her to end up the defendant. I guess it just happened by chance. Damn, and you hope, you hoping that a miracle happens. You pray that the judge doesn't bang that gavel so you can go back in the morning. AVS Media Demo. We holding her hand like the last note of the saddest song, or like the last word at the end of a poem. You know, it's nothing worse than being alone. It's funny how you never know what you got till it's gone. They can take these clothes off my back. AVS Media Demo. Money, don't care about that. No. Don't take my words. My words. All I've got. They can have this fame. It ain't worth a lot. Only thing I know. AVS Media Demo. Won't let you go. No, never gonna let you go. Won't let you go. No, never gonna let you go. Won't let you go. No, never gonna let you go. Go. Won't let you go. AVS Media Demo. One thing in this life that you live for. Who do you know in the world you would die for? Who would you lie for? Who if they committed a crime you would stop on a dime and do time for? Cause it was me she would ride for. But now it's her that I cry for. Now I give it all away to get AVS Media. This ain't no July 4th. Yeah, I know it don't sound logical, but there's some things in this life that you gotta do. But the one thing in this world that's got to you, I let it all go, but I ain't dropping you. They can take these clothes off my back. AVS Media Demo. Don't care about that. Let them take my words. All I've got. They have this fame. It ain't worth a lot. Only thing I know. wrong or it might be right, but there's no looking back and we won't sleep tonight. We're living while we're young and this is worth the fight, even if I lost AVS Media Demo. AVS Media Demo. Une petite annonce d'une femme qui cherche un pompier. Alors, comment vous expliquer, Ok, je vais leur expliquer. Alors, pendant cette musique de Biobi qui était magnifique, qui vous a donné des frissons, un barreau pour les garçons et de l'humidité pour les filles. Ah, ça rimait. Tu nous as donné des frissons, un barreau pour les garçons. AVS Media Demo. Eh bien, nous avons cherché sur internet. Tu vois, une femme, la dernière fois, il y avait une femme avec un barreau, elle est passée, elle dit attention, je mouille. Ça me fait rigoler. Donc voilà. Donc, nous avons cherché petites annonces et nous avons vu entre deux fessiers. Parce qu'en fait, c'est que AVS Media Demo. Donc, on a cherché une annonce sérieuse et c'était une femme qui voulait refaire sa vie avec un pompier sur Paris, avec un homme. Un grand H. Avec un grand H. Voilà. Donc c'est pas elle qu'on va appeler en fait. Donc c'est pas elle qu'on va appeler parce que malheureusement elle ne nous a pas laissé son numéro de téléphone. Donc en revanche nous avons le numéro d'un pompier qui lui a laissé son numéro. Donc un peu compliqué tout ça. On dirait une exception le truc. Bon voilà, bah écoute c'est pas grave. Mais j'ai bien expliqué quand même. Voilà. Donc nous allons appeler et je vais prendre une voix de femme. Cette femme s'appelle Françoise. C'est qui appelle? C'est moi. Non, moi je voulais le faire. Parce que, il faut qu'il recule, hein, parce que s'il y a 36 femmes qui commencent à parler. S'il y a 36 femmes qui commencent à dire, oh monsieur le pompier! Ah! AVS Media Demo. Tu m'as mis un coup de chargeur dans la gueule. Ça commence à partir en fouille. Ou plutôt en clitoris. Oh. Joli. Ça c'était pas mal. Bon. Tout le monde a fait. Si tu l'appelles en anonyme. AVS Media Demo. Mais en même temps, si en même temps il va pas l'appeler, pas en anonyme. Il va me rappeler. Oui, Françoise. Non, je m'en bats pas les couilles. Tu essayer de te faire non, ils sont pas mal. Allez, allez, vas-y. Surtout un pompier. Je rigole, bien entendu. Bon, AVS Media. Vous êtes dans les pantalons. Alors attendez, si vous voulez, sinon on en fait deux. Charles, tu commences et moi je ferai celui d'après. Non. Tu commences alors. T'as insisté, c'est toi qui appelle. Allez. D'accord. On se dégonfle pas, Jackie. Je te vois, tu es. AVS Media Demo. On appelle, hein, ne vous inquiétez pas. Attends, faut que je remonte. Espérons voir le site. Répondre, sans déconner. Sur Créteil Hulks. Ce site. Ça y est. Je vais prendre cette AVS Media Demo. Pour vous écouter. Je dirais que j'ai les dents très blanches. Et un clitoris en parfaite santé. T'as vu ce décolleté de sauvage qu'elle a mis là? Ah, elle a envie de partager et câliner un pompier. C'est-à-dire quoi partager? AVS Media Demo. Alors? Ah, que vous pouvez me laisser un message et je vous rappelle. Non, mais les gens, ils répondront jamais. Il y a un peu ce petit truc, tu vois, quand tu as quelqu'un qui t'appelle en anonyme, t'as un peu envie de répondre. C'est vrai. Bon, laissons tomber Soaz. AVS Media Demo. Oui. Et ses dents blanches. Soaz, ses dents blanches et son décolleté de sadomaso. Ouais, non, mais rappeler quelqu'un, faut arrêter les particuliers, je pense. Ouais, c'est vrai. C'est faire, comme la dernière. Passons à page jaune. Jean-Marc et tout ça. Qui? AVS Media Demo. Ah! T'es pas énormissime. On a un fou qui nous a marqué. Avec la tondeuse de l'arrière-grand-mère. Avec un roumain, je crois, il avait fait peur, ça. Oui. Moi, je Allez. Propose de renouveler l'expérience, mais je ne me rappelle plus. Du numéro, putain. Ah, on va rappeler. AVS Media Demo. Et non, mais on se souvient plus de qui c'est. On se souvient plus. Je sais pas du tout. Laisse tomber là, Jackie. Hein. Enlève-toi vers un bac professionnel. Hein. Alors,

Bon. Bah, t'appelles le 06 alors. Non, je ne vais pas appeler. Mais bien sûr que si, t'appelles le 06. Bon, d'accord, j'appelle c'est le 06. C'est limité les portables. Ouais. Ouh. Bon, alors. C'est limité. AVS Media. Ouais, mais on fait pas de la pub, nous. On dira pas ce que c'est son forfait. Ouais, ouais. Pour 20 euros, tu t'es limité. C'est pas ça. Bâtard. Allez. Albatar, hein, carrément. Massage Californien. AVS Media Demo. Si ça rate, eh ben, je te le dirai en composant le numéro suivant. Japonais taille, le mec, il a fait tous les pays du monde, il fait un massage. Tu sais. Je fais des massages autrichiens. Je fais aussi des massages irlandais, il n'y a pas de... AVS Media Demo. Massage Tony. Vous êtes tout tendu, là. Allô? Il faut le mettre à l'oreille, le téléphone, ça, je suis pas sûr. Le monsieur ne nous a pas adressé la parole. Demo. C'est la merde. C'est la merde totale. Massage, le soleil, le vent. Alors eux, s'ils font, oh, putain, alors, eux, s'ils font pas des trucs érotiques. Oulala là là. C'est de qui crier, sinon, hein, si les parents à côté. Ouais, ça, j'ai en tête. Mais, ouais, bah... Alors, on va demander ce que c'est du massage. AVS Media Demo. Et tantrique, tant. Tantrique, qu'est-ce que c'est que le massage tantrique? Qu'est-ce que vous entendez par tantrique? Bah, c'est quand j'ai la trique. Massage qui tente. C'est quand j'ai la trique, vous la tentez. Galerie photo. AVS Media Demo. Bonjour. Allô. Bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Je suis désolé. Mais rappelle. C'est chiant. Elle est trop belle. Je compte me suicider en fin d'après-midi. Non, tu rappelles et tu dis excusez-moi, on a été coupé. Je sais pas. Mais si non, non, tu dis pas que c'est toi. On s'en bat les couilles, c'est un bon ami. Tu dis oh, c'est. Oh, oh ils sont cons, hein. Qu'est-ce qu'ils sont cons, ces jeunes. Tu demandes ce que c'est un massage tantrique. Hein, moi, je me massage... Ah oui, tantrique. Ça. Ne rigole pas, elle va faire sa boîte de Doc Génico. Attention, attention. Okay. AVS Media Demo. Allô, bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour. AVS Media Demo. On l'a pas fait, on l'a fait. C'est la cousine de Damien Chouk. Elle a qu'un seul mot dans son vocabulaire, c'est bonjour. Oh, on la rappelle. Bon, je refuse. Ah ouais, c'est sérieux? AVS Media Demo. J'en ai marre de cette attaque. Ok, ça va. Ah oui. J'en ai marre d'entendre des bonjours à tue-tête. Bonjour. Mais ça fait tellement rigoler au début qu'après t'as plus d'effet. Tu t'ennuies? C'est... c'est où? C'est celui-là? AVS Media Demo. Non, ouais, c'est celui-là. Ouais, bah, c'est faut appuyer deux fois sur le verbe, mon ami. Attends, faut que je chope mes couilles, mais voilà, conne comme une mouche. Ah oui. Parce que ça fait deux fois la fête. Ça fait deux fois la fête. Sinon, rappelle, t'as pas une réaction, t'en fais. Garde. Je vais appeler, une fois qu'il y a le petit signe au parleur, tu appuies sur ce bouton et après. AVS Media Demo. Non, mais faut que tu le tiennes. Non, mais je le tiens. Non, c'est bon, celui qui appelle le tien. Celui qui appelle le tien. Mais tiens, tiens, tiens. Si je suis sûr qu'elle s'énerve, elle garde sa voix. Mais ça fait chier là. Vous êtes qui? Tu pisses dans le canon. Bon, allez, cette fois-ci, c'est la bonne. AVS Media Demo. Bonjour, massage du soleil levant. Oui. Oui, voilà. Alors, voilà, ce serait pour prendre un rendez-vous pour un massage, hein. Et je voulais savoir, qu'est-ce que c'est qu'un massage tantrique? Exactement. C'est un peu tout, c'est un chien. Ah! AVS Media Demo. Ah, d'accord, ah. Ok. Oui, d'accord. Et un massage californien, c'est quoi? C'est la même chose que Trandic. Trandic, d'accord. Ok. Ah! C'est vrai que, vu sous cet angle-là, ça dit. Et un massage chinois. AVS alors, c'est Media Demo. C'est un massage normal. C'est un massage normal, d'accord. Et y a pas des massages un peu... Hein? On s'est compris, quoi. Parce que j'ai vu votre photo, c'est un peu... Oh. AVS Media Demo. Oh, avec toi, là. Vous voulez faire comme massage? Ouais, bah oui, hein. Oui. Et alors? Et alors quoi? Et alors oui ou alors non? AVS Media Demo. Et alors comment? Ben ça va quoi, vous avez compris ce que je veux dire. Oh, elle m'a raccroché.

Ah ouais, c'est bien ça, Wi-Fi africain. Bonjour Radio FN. Hello. FNFM. FNFM. AVS Media Demo. Radio Khalouf. Ah, mais c'est. Mais je peux mettre mes numéros. On n'a aucun problème avec la viande Khalouf, voilà. C'est très bien, mais. Alors, la viande Khalouf, moi. Ouais. On n'a aucun problème avec la viande Khalouf. AVS Media Demo. La viande Khalouf, moi. Et ça ne me dérange pas qu'il y en ait au prix. Eh oui. Allez, c'est parti. Tiens, Arthur, c'est je prends la. Qui chope tes couilles, hein, parce que okay. Moi, je me suis fait Togenico. Je vais essayer. Togenico du jour. Je vais essayer. Bando. Comment ça va être? Comment ça? Allô, j'ai mal aux yeux. AVS Media Demo. Allô, tu dis bonjour. Tu fais une voix de vieux. Fais bonjour. Allô. La sonnerie est assez particulière. Allô. Allô. Oui. Bonjour. Bonjour. C'était pour savoir AVS parce Media que Demo. J'ai mal au bassin. Oui. Et est-ce que vous êtes kiné, c'est ça? Oui, oui, monsieur. Absolument. Ah. Eh bien, est-ce que vous faites à domicile? Parce que moi, j'ai des problèmes pour me déplacer. AVS Media Demo. Vous habitez où, s'il vous plaît? Dans le 14e. Ok, là, ça fait un peu trop loin. Je suis occupé, je suis en train de travailler. Je viens de vous laisser. Excusez-moi. Hein. D'accord. AVS Media Demo. Non, mais... Oh, putain, il y en a pas con. On a dit vieux, bah les cons. Allô. Quoi ce vieux là? Allô. C'est la première voix qui m'est venue à l'esprit. Écoutez, on fait tous les événements dans la vie. AVS Media Demo. Bon, on rappelle quoi, Franck? Non. Apparemment, il était en train de masser le cul d'un vieux. Ça serait un peu bizarre si t'appelais un homme et que tu faisais des propositions à un homme. Effectivement. Avec une voix comme ça. AVS Media Demo. Avec une voix comme ça. Ouais, non. Ça, non, c'est avec une voix. Avec... C'est ma voix normale. Avec une voix comme ça. Ah ouais, comme ça, ça fait gros motard. Avec oui. Des VH people. Alors, on appelle Miska Cyril. Miska, on dirait Miska, nom d'un médicament. Sika. AVS Media Demo. Mska. Mska, ça veut dire je suis malade en anglais. Mska. Ah, lui, il était fait pour travailler dans le médical. Qu'est-ce qu'on va écouter après? Ah, je sais pas. C'est ta. AVS Media Demo. Regarde, réduction périnéo. Ça se concerne de jeu le Pot of God, non? Ça va, ok. Pot of God, le pote de Dieu. Allez, c'est parti. La balle là, non. Allez, on appelle MCK, Cyril. Je dois faire quoi? La voix de. AVS Media Demo. Qui t'y connaît? Attends, là, tu fais. Pense à Vin Diesel. D'accord. Je pense à Vin Diesel. C'est pour ça que t'as une boule dans ton pantalon. Allô? Allô? AVS Media Bonjour, Demo. Est-ce que vous dérange? Allô? Allô, monsieur? Oui? Oui, bonjour, vous êtes bien MCK Cyril? Oui? Bonjour, j'ai besoin d'un kinésithérapeute. Est-ce que vous êtes très occupé en ce moment? AVS Media Demo. Ah, merde. C'est dommage. Ben, Vous voulez que je m'adresse à un autre kinésithérapeute? Et pourquoi, monsieur? C'est surtout pour le bassin, le bas du ventre et tout ce qui est région. AVS Media région Demo. Pas très catholique. Ouais, bon, bah, aller dormir, ça va être mieux pour vous, je pense. Oh, d'accord. Bon, eh bien, je vais me diriger vers mon oreiller. Il va raccoucher. Ah merde! C'est vrai, c'est le conseil de merde, vous pouvez mieux aller dormir. AVS Media Demo. Oh, il m'a dit d'aller dormir! Ouh, il t'a clashé! Va dormir! Bon, laissons tomber les massages. Massage des pieds. Je n'ai fait rien sur le pied! On voulait arrêter les canulons. Grâce à Freeze Radio, non, mais c'est bien. Non, et si j'ai des verrues sur le pied, elle cherche un problème. On va appeler le Michaud. Ah, tu fais un gros truc dégueulasse, genre des ferrons. Mais là, ils sont pas méchants, hein. Moi je fais ça, moi je. Grâce à Freeze Radio, vous ferez masser l'intégralité de votre corps de façon sensuelle ou tonique. AVS Media Demo. Richard Jean-Luc. Ils s'appellent tous Richard, regarde, Richard Patrick, Richard Jean. Oh putain, Richard Arnaud. Richaud Kiné. Richaud Marie-Hélène. En plus, mon kiné à moi il s'appelle Richard Georges. T'as donné son nom. Oui, parce qu'il est très bien, faut lui faire de la pub. Allez chez Richard. AVS Media Demo. On va appeler Patrick. Lequel? Et je lui dis que j'ai mal au pied. Et je dis, par contre, j'ai des plus que sur le pied. Je dis ça, d'accord. Ok, alors, je... pour nos auditeurs... Et oh, on appelle qui? Richard Patrick? Ouais, pour nos auditeurs et pour moi-même, qu'est-ce qu'un plus AVS Media Demo. Pied à caractère plein de pu. D'accord. Ah. Voilà, donc Frise Radio, c'est pas les munitions qu'il faut écouter en mangeant, hein. Sinon, tu finiras pas le gigodagne. C'est bon, tu as le numéro. C'est moi, bon. En attendant, je vais taper furoncle sur Google. Tu sais pas ce que c'est qu'un furoncle? Non. T'es sérieux? Oui, mais moi. T'as bien mangé? AVS Media Demo. Parce que là, c'est. D'ailleurs, j'ai très faim. Qu'est-ce qu'un furoncle? Comment ça se guérit? Non, mais attends, tu vas aller voir l'image. Ouais. Voilà. Ah! Donc ça, tu vois, le petit truc blanc, c'est du pu, bien sûr. Ah! Avec des pommes de terre, c'est super bon. Si vous n'avez rien à faire. AVS Media Demo. Ah non, mais attends, ça existe pas, furoncle sur les pieds. Furoncle fesse. Non, mais t'es pas obligé de faire ça. Regarde, le mec, il est en train de déclater le furoncle à sa meuf et il a une idée, c'est de prendre une photo. Ma foi. Un petit moment familial. Non, non, mais alors on va faire Vérus Plantaire. Un moment de couple pour se retrouver. AVS Media Demo. Je sais pas. Vas-y, Vérus Plantaire. Alors mon père, s'il tombe sur mon historique, il va se poser des questions. Vérus Plantaire. Vérus Plantaire, furoncle. Voilà, j'aime les verrues. Voilà, papa. Oh là là, ça c'est beau ça. Ça c'est beau. Ah, lui, elles sont pas mal. En plus, le mec, apparemment, il a complètement abandonné de se couper les ongles. Il a préféré. AVS Media Demo. Ah, je l'avais, ah, elle est... Ah, dégueulasse. Je l'avais, celle-là, quand je... Elle est crasseuse. Tu sais, quand tu l'enlèves, qui n'en a pas eu des verrues quand il était petit, hein. Quand tu l'enlèves, ça fait tard pas mal. T'en as jamais eu? Moi, j'en ai eu dans les pieds. Ah oui, oui, bah oui, tu t'en rappelles. AVS Media Demo. J'avais des pansements la nuit. Ouais, ouais, et il a pris une gant de poêle spa pour se les enlever de ma mère, tu vois. Voilà. Comme toilette de ma mère pour se les enlever, pardon. Parce... Voilà. Pour se les enlever de ma mère. Bon, allez. Bon, qui c'est qui appelle? Bah, c'est toi. Ouais, j'appelle qui? Richard Patrick. AVS Media Demo. Richard Patrick, et tu. Alors, qu'est-ce qu'on dirait? On dirait le réalisateur qui annonce le rôle à son. Je t'écoute. Donc, t'as des furoncles sur le pied? Il est dans le 11ème. Non, non, des verrues plantaires. D'abord, tu t'appelles des verrues plantaires, tu t'appelles Michel. Michel Dubois. T'es dans le 11ème. Et t'es dans le 11ème. Il est où? AVS Media Demo. Bon, alors, c'est dans le 12ème. À côté. Non, non, non, mais, mec, dans le 12ème. Okay. Mais non, c'est pas à côté. Si, si, si, si, c'est à côté, parce que Paris, ça fait des arrondissements, c'est à côté. Ah ouais, t'es sûr? Ouais. Bon, ça va. Je suis. Donc, je m'appelle Michel. 12ème et demi. Quoi? Ça va. Michel Dubois. Tchao. AVS Media Demo. Mec, c'est. Je t'appelle Michel Dubois, c'est ça? C'est son nom de couverture. On dirait le mec qui va se. Comme à. T'as jamais vu les acteurs? Comme à la CIA. Ils sont là qui. Avec des hommes qui ont des verrous. Allez, sois là. AVS Media Demo. Non, mais peut-être dans le coussin. Pense à... Ta gueule, ta gueule. Bonjour. Bonjour, laisse tomber. Alba, bah tu fais celui d'en chier. Allez, un pour Richard Dojon. AVS Media Demo. Tu te rappelles de cet individu? Quelle gueule. C'est toi qui donnes les noms comme ça. Parce que c'est ce chinois, cette racaille chinoise m'a assez marqué dans ma vie. Allez, défoncer. Allez, c'est là qu'il vient, il te défonce. Non, moi je me battais. AVS Media Demo. Si je recroise dans la rue, ce serait bien. Je suis sûr qu'il est très aimable, comme bien sûr. Il est mort là. Voilà. T'es calme. Donc il était. Ah, j'ai une. AVS Media Demo. Tu l'as jamais pris en français? J'ai rentré trop loin. Quand je profonde, bah non, quand je profonde, il ne glisse pas dans les films. Okay. Mais ça, c'est des particuliers, on n'aura jamais personne. Hein. Oui. Mais voilà, pourquoi tu peux t'appeler des particuliers? Faut appeler Frog Cohen. Non, non. AVS Media Demo. Kléber, à Paris. Kléber, on l'a pas eu. À Lyon, à Lyon. Ah, on n'a pas eu Kléber, bah. Non! En plus, il y a trop de numéros. Alors, le mec, là, il peut pas nous alors, semer. Là, le mec, ouais. Il peut pas nous semer. En plus, il est chez Free parce que ça commence par 09. Et ouais. Alors? Non, c'est aussi un fixe à Paris. AVS Media Demo. Non, c'est 01 et fixe à Paris. On s'en part, t'en part. Il y a un mouche qui pète. Bon, on va pas faire des canulars toute l'émission, hein. Mais non, non, ne vous inquiétez pas. Dernier. Parce qu'en plus, pour l'instant, c'est que des répondeurs. En plus. Répondeur FM. AVS Media Demo. On écoutera une autre musique. Les plus beaux répondeurs de France. Et Kéber, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Ce serait pour prendre un rendez-vous. Vous faites des massages? D'accord, un rendez-vous. Vous êtes monsieur? Monsieur Michel Dubois. Vous êtes déjà venu? AVS Media Demo. Alors, vous faites des massages des pieds, c'est ça? Je vais juste prendre votre numéro de téléphone, on va vous rappeler, en fait, moi, je suis le stagiaire, il va vous rappeler dans, d'ici une heure. Monsieur Michel Dubois. Voilà. Non, non, je voudrais pas qu'on me rappelle, s'il vous plaît, parce que c'est pas mon numéro, c'est un numéro jetable. Ah, c'est un numéro jetable? Ouais. Non, mais mon téléphone est cassé. On va vous rappeler alors. Mais mon téléphone, il est cassé. Pardon?

on appelle. Oui, on fait des gays et. AVS Media Demo. Moi, je dis, oh oui, j'ai beaucoup de poils. Voilà. Apparemment, il y a quelque chose qui s'appelle Dermalis qui a l'air pas mal pour nous. Allez, appelle. Allez. Allez, Swan qui joue le rôle de consultant stagiaire. Mais vas-y, c'est pas vrai, il a téléphoné tout à l'heure, je te permets. AVS Media Demo. Tu t'en mets dans le stagiaire, c'est moi qui l'ai baisé, le stagiaire. C'est lui qui s'est gavé. Oula. C'est lui qui s'est gavé. Alors, on va pas faire le compromis. Allez, parce que c'est moi qui ai baisé le stagiaire, on pourrait avoir un malentendu à ce niveau-là. Je vais pas tenir le téléphone, par contre, c'est quelqu'un. Je vais tout casser. AVS Media Demo. Non, mais on appelle à deux, Jackie. C'est toi qui commence. Oui, mais au cas où. Il faudrait qu'on appelle des gens et qu'on chante pour voir s'ils chantent avec nous. Oui. Tu veux que je chante là? Non. C'est un talent de beauté. Et alors? Ça peut dire qu'ils n'ont pas le rythme de la musique. AVS Media Demo. D'accord. Ah non! Non, mais. Comment ça? Ça m'a tout bien fermé, Dermalis. Dermalis. Dermalis. Saucisse. Bonjour, je viens à Studio Dermalis. Laisse un message et tu dis Dermalis. AVS Media Demo. Ouh, on va aller à un corps plus belle. Donc je dis oui, mon mari, il est très belle. Viens, dis ça. Ça fait un peu comme Benoît de Secret Story, tu te rappelles? Benoît de Secret Story. Attends, je rate des ordres. Genre, ouais, je suis trop folle. Je suis trop folle. Comment t'as enclenché? Regarde pas. AVS Media Demo. Allez, un corps plus belle. Je vais tout casser. Si vous touchez au fruit de mes entrailles, à tel point. Oh. Non, non, t'as raté. C'est mon fils, ma bataille. Fallait pas. Non, c'est plus dur. AVS Media Demo. Best of the World, ça reste. Little girls, mais comme elle, que j'aime toujours les chansons qui parlent d'amour, de nouvelles, de chagrin, de vent et de frisson. AVS Media Demo. Allez, on vient, on chante sur le répondeur. Laisse-la chanter sur le répondeur. C'est vraiment chiant, ça me fait rigoler. On chante pas mal. Non, non, je chante pas mal. Nocturne, mercredi à 20h30. Alors, moi, je pense que. Si vous voulez nous laisser un message avec vos coordonnées, on est sur un rendez-vous. Merci beaucoup. Elle va faire la compte sur le téléphone. Voilà, moi, je vais bien. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Je ne sais plus comment faire. AVS Media Demo. Voilà, c'est un thème. Je suis toujours plus belle avec un yaourt. Comment faire? Je me fais taire combien je trouve. Voilà, voilà. Ils vont bien rigoler, on est génial. C'était tout inutile. Mais moi j'ai bien rigolé. AVS Media Demo. C'est tout fermé. Essel. Par critère, regarde. Essel, bah dis donc. Y'a pas pénis. J'ai beaucoup de poils sur épilation le laser. Oh, non, j'ai beaucoup de poils sur le pénis, c'est très handicapant dans mon métier. Épile-mi. C'est pas votre métier, exactement. Oh, regarde, épile-mi. On va espace épilation. AVS Media Demo. Allô, épile-mi. Est-ce que vous pouvez épile-mi? Épile-mi, ça fait un petit... Ah, ça fait un peu Happy Meal. Oui, voilà, j'allais dire, le temps profond avec Happy Meal. Allez, c'est mon fils, ma bataille. Fallait pas qu'elle s'en aille. AVS Media Demo. Pas mal. Tu devrais faire The Voice. Hein. Ouais, c'est vrai. Je suis posé la question. De toute façon, ils peuvent pas dans ma gueule, alors j'ai toutes mes chances. Il y a jamais des poupées dans The Voice. Il y a toujours, il y a, c'est pas comme la nouvelle star. Parce qu'il y a un premier casting qui a été fait. Ouais, ouais. Et il a regardé. Ah, mais c'est truqué. Là. AVS Media Demo. Bon, Charles, je suis ton compagnon, je te rappelle. C'est bon. Elle ne répondra pas. On chante quoi sur le répondeur cette fois? Comme d'habitude. Je l'aime. AVS Media Demo. Tu ne te bouscules pas. Tu ne te bouscules. Comme d'habitude. Tu ne te bouscules pas. Là. Oh, bon, j'ai raccroché. Non, c'est chanté clou-clou. Oui, c'est possible qu'il n'y ait pas de... C'est possible qu'il n'y ait pas de répondeur aussi. AVS Media Demo. Alors, on va passer à quoi? Espace épilation? Bon, on se prend que des vents, là, donc Oui, c'est vrai qu'il faudrait changer. Personne veut m'épiler, apparemment. Trop poilu. Ah, caca. Laissez tomber, on fait pas les paillasses. Pourtant, Esthétique Center, ça va l'air pas Media mal. Demo. Il est tombé, on est jour férié, c'est tout fermé. Faut manger le steak haché. Je voulais faire la réunion, excusez-moi. D'accord. Bon, alors, on cherche... Qu'est-ce qu'on peut chercher pour améliorer nos physiques, alors? chirurgie esthétique. Ok. J'ai une gros nez. AVS Media Demo. Allez, bon, je j'ai trop un gros pénis, c'est trop handicapant. Les filles en ont peur. Non. J'ai un gros. Brigitte Lahaye sur RMC Info, voilà, radio concurrente. Ouais, bah, mais elle passe. Pas alors, oh, il a carrément mis sa gueule en Zwillinger. AVS Media Demo. Zwillinger, Nicolas. Réparatrice et esthétique, c'est-à-dire quoi réparatrice? Genre ta gueule, elle est cassée, tu viens la récupérer. Non, non, non, c'est pas ça, c'est genre... Oui, bonjour. Je fais ce que j'ai pu. Écoutez-moi, écoutez-moi, j'ai un truc trop drôle. Oui, bonjour, j'ai fait la bise à la plaque de cuisseau. AVS voilà, Media Demo. Voilà. Allez, appelle. C'est parti, de nous. Zwinning, Zwinning. Oh, je vais décrocher, dire. Je suis bien chez Zwinning. Zwinning, Zwinning. Oui, oui, Zwillinger, monsieur. Ah, Zwillinger. Et d'un coup, si jamais on sent qu'il y a AVS pas de Media coup, Demo. Genre, on chante quoi? Bien, à la maison. Ah non, mais celle-là, je la connais pas, celle-là. Qui chante? Ah non, non, non, non, non, non, je sais ce qu'on chante. On chante, il faut que je chante. AVS Media Demo. Désolé. Une étoile filante, elle a les yeux. Bleu! Ah! Belinda! Voilà, c'est ça? Alors, je t'explique au début, ça fait, il faut que je vous chante pour oublier une étoile filante qui m'a quitté. Vous pouvez m'aider à la trouver. AVS Media Demo. Après, yeux bleus, Belinda. Ouais. Ça fait 10 fois qu'elle s'en va et qu'elle revient. Putain, je passe pour le gros talus. Non, c'est bon, on fait Alexandre et Alexandra. C'est bon. Ah non! Ah non, moi de mon vivant, je chanterai pas Alexandre et Alexandra, c'est la plus nulle de la discographie. Non! François, monsieur. Non. Je suis désolé, je ne chanterai pas AVS ça. AVS Media Demo. Non, comment tu expliques alors son succès? Ah, j'ai refait ton. Ouais. Comment tu expliques son succès alors? Ben, la France a des goûts de merde. Voilà. D'accord. Allez, Swan, c'est parti. C'est bon ou... Ouais, c'est ouais. Pour ça que Freeze Radio n'est pas connu. Parce que la France a des goûts de merde. Voilà. Ah, j'ai le crabe. AVS Media Demo. Si ça part trop en couille, on chante. Hein. Quand je suis stressé, je chante. La téléphonie est ouverte tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à 20h, et le samedi, de 9h à 13h. Merci de bien vouloir nous rappeler pendant ces horaires d'ouverture. Ça, c'est parti. Au revoir. AVS Media Demo. Oui, bah oui, voilà, ils ont pas de répondeur. Ah ouais? Eh ouais. Allez, bâtard. Oh les bâtards! Ah oh, là là là là! Oh les bâtards! Ils ont pas de... Comment tu fais pour pas avoir de répondeur? Eh ben tu dis je ne veux pas de répondeur. À ton téléphone, tu prends ton téléphone, tu dis je ne veux pas de répondeur. Non, non, dit, ok, c'est bon, j'ai compris. Tu demandes à AVS Media Demo. Ou autre monsieur Wing. Mais à quoi ça sert de pas avoir de répondeur? Bah ça sert à pas te faire chier à écouter tes messages. Exact. Ça va, ça fait quoi de faire chier à écouter tes messages? Bah, si jamais moi, ton message c'est je suis coincé dans mon coffre, viens m'aider! J'ai pas de répondeur, je peux pas le faire. C'est ça? AVS ouais. Media Demo. D'un côté, ça sert à rien d'écouter 50 minutes après. Je suis en train de me noyer. Bah, c'est bon, il s'est noyé. Ah, mais je pense savoir pourquoi pourquoi tout le monde tout commence à fermer. C'est parce qu'il commence à se faire tard. Ah, ouais, il est 17h, Jackie. Ah, AVS Media Demo. Ton dernier. Allez. Sérieusement. Lalo. Blinder Jean-Philippe. Alors, non, on a Lalo. Alors là, c'est quoi? C'est Jacques. Frankie Lalo ou Blinder? Oh, je sais pas. Il habite dans le 16ème, vas-y. Attends, mais on va regarder leurs horaires d'ouverture, y'a pas leurs horaires d'ouverture. AVS Media Demo. On prend. Tu peux faire des lipos si tu veux. Dans le 6ème ou dans on prend Binder. C'est mon fils, ma bataille. On prend lequel? Choisis, c'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis. T'as mis 2x01, Jackie. Oh, bah non. AVS Media Demo. C'est pas avec ça qu'on va pouvoir appeler. Eh ben non, ouais. Oh, on a appelé Binder. Blinder. Non, Binder. Regarde, j'ai pas de L. Ah ouais. Il a fait une faute alors. Bider. AVS Media Demo. Bonjour, le cabinet du docteur Binder est actuellement. Bonjour, le cabinet du docteur Binder est actuellement en train de. T'es actuellement Jean-Philippe. Je suis actuellement mort. C'est moi un message. Je vous répondrai peut-être pas parce que je suis mort. Mais ça fait toujours plaisir. AVS Media Demo. Décidément, on ne pourra pas se faire beau un jour faire. Eh ben laisse tomber, il est pas jaune, moi je dis. On va envoyer une musique, Jackie. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on peut que t'écouter? Un fond non. Alors Leakly, Magician Remix avec un Follow You. Allez, on s'écoute ça, Jackie. AVS Media Demo. On se retrouve juste après ça pour des choses excellentes. Et comme dirait Valérie, tu regardes pas les enfants de la télé? Non. Qui dit, et comme dirait Valérie, ils ont un extrait de Valérie Giscard d'Estaing qui fait au revoir. Ah oui, ta-da, au revoir. Ta-da, ah oui, c'est vrai. AVS voilà, on est passé une musique, on chante nous, hein. Dites-toi les cœurs, j'espère vous. Bon, on va vous passer une musique. Voilà, on se retrouve juste après. Merci. À plus. AVS Media Demo. AVS Media Demo. AVS Media Demo. Voilà, de retour avec. Oh, j'ai réussi à faire la note tarpe mise à voilà. Ça monte en arpège, donc là c'est du do mineur. Après, ça descend en si majeur. Voilà, les auditeurs ne comprennent pas. Mais en fait, j'explique. Vous avez dû l'entendre en fait. Mais voilà. Vous ne saviez pas que c'était si exceptionnel que ça. Non, mais alors, c'est un truc en arrière. Ouais, c'est un truc de fou. C'est David Guetta là, il aurait une érection si on s'écoutait. Au moins. Voilà, éjaculation précoce. Voilà. Donc, AVS Media Demo. Ben, on va vous laisser. Donc, on va vous laisser parce que, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait, devait y aller. Très content. En fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de faire une émission courte. Comme ça, on dit, oh non, c'était trop court et tout. Et après, on fera une émission longue, on dira, c'était trop bien, c'était voilà. Trop long. Voilà. AVS Media Demo. Voilà, merci de nous avoir écoutés. Allez, gros bisous. Je suis toujours avec vous. Si vous voulez faire masser les verrues, vous appelez Swan. Voilà. Si vous voulez vous faire épiler, vous m'appelez moi. Et moi, je vais vous faire des massages californiens ou chinois ou tantriques. AVS Media Demo. Massage romant, t'as voulu t'en penser pour les chinois. Massage romant, t'as voulu t'en penser. Voilà, je redis ma vanne parce que tu m'as coupé. D'accord. C'était une émission de coupage, un peu, moi, je trouve. Oui. Bon, mais c'est pas grave, elle était bien quand même. On progresse, on progresse. On a bien rigolé. Excellente. Merci à tous. AVS Media Demo. On remercie Michel, Patrick. Thierry à la sono, toujours Alain aussi exceptionnel. Et Alain et Marc. Pas de femme, pas de femme. Non, pas de femme. Bah, si, allez, Nathalie, notre stagiaire. Remercie Nathalie, c'est vrai, Nathalie. Comprend très fort le samedi soir. Hein. Allez, de nous. Voilà. AVS Media Demo. Sur Freeze Radio. Combattons le sexisme. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se quitte avec une chanson. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme chanson? Adieu, monsieur le professeur. On se quitte sur tan tan tan tan tan tan tan. AVS Media Demo. Allez, c'est parti. Allez, vous voulez Claude François? Ah, vous voulez Claude? Ok. Claude François, Magnolia Forever. Parce que c'est indénodable, parce que c'est la qualité. Parce que comme ça, vous savez ce que c'est la vraie musique. C'est pas les Chris Brown, ou les autres Florida, ou les autres. B.O.B. B.O.B. Non, c'est pas. AVS Media Demo. Bon, voilà. C'est pas Matteo Pokora, je sais pas quoi, là, qui va concurrencer Coco, d'accord? Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Voilà, Magnolia Forever, Claude François. Nouveau et là, pendant que je parle, la musique arrive derrière. J'ai voulu faire ça. Au revoir. Au revoir. AVS Media Demo. Je ne sais plus comment faire. Dites-lui que je suis. AVS Media Demo. Que j'aime toujours les chansons qui parlent d'amour et d'hirondelles, de chagrin, de vent et de frissons. Dites-lui que je pense à elle. Quand AVS Media Demo. Quand j'entends ces musiques nouvelles qui résonnent comme des bruits de combat. Your girl is crying in the night. Is she wrong or... AVS Media Demo. Non, je ne sais plus comment faire. Elle est si forte qu'elle se brise. Elle est si fière, elle est soumise. Comme un amour. AVS Media Demo. AVS Media Demo. AVS Media Demo. AVS Media Demo. Dans les sous-sols quand il fait noir, quand j'entends ces musiques nouvelles, où s'en vient crier le désespoir. Dites-lui que je pense. AVS Media Demo. Dans un grand champ de magnolia, et que si toutes les fleurs sont belles, je ne peux souvent, souvent les toits. AVS Media Demo. AVS Media Demo. AVS Media Demo. AVS Media Demo. AVS Media Demo.